Mon cœur abrite toute la tristesse d'une vie entière. Mais si je me laisse faire, c'est un aller direct au cimetière. C'est ici que ça se passe, pour tous ceux qui regardent ailleurs. C'est chaud dans les cités, mais c'est ici qu'il y a la vraie chaleur. Je n'ai aucune garantie quant au futur. Je suis qu'un mec dans ma ville avec le vice pour signature. Mon cœur abrite toute la tristesse d'une vie entière. Mais si je me laisse faire, c'est un aller direct au cimetière. Les choses changent, les gens changent, comme les temps changent, parfois étranges, mais qui ne l'est pas forcément dérange. Si je fais si bien le pire, c'est que je suis capable du meilleur. Et si je vis au jour le jour, c'est pour vivre à 100 à l'heure. Pensez-y avant d'agir, c'est la rue qui veut ça. Avoir une vie en or, j'avoue franchement j'y crois pas. Combien de fois j'ai voulu, mais trop de fois je n'ai pas eu. Si je me laisse faire, je suis fichu. Le système m'aura eu, battu, abattu. Autant se foutre une balle dans la tête. Couper court avec la vie en acceptant sa défaite. Moi je suis un vainqueur, à la tête dure au grand cœur. Avec un courage assez fort pour surmonter mes peurs. Si mes erreurs me font peur, mes défauts me rassurent. Et si je veux pas plonger, faut qu'à tout prix j'assure. Faut que je prouve au monde entier que ma valeur est sûre. Car je veux briller, je veux voler dans un ciel bleu azur. Tenir le monde dans mes mains, goûter enfin au bonheur. Car aussi dur qu'il soit, j'ai de l'amour au fond du cœur. C'est ici que ça se passe, pour tous ceux qui regardent ailleurs. C'est chaud dans les cités, mais c'est ici qu'il y a la vraie chaleur. Chaleur sur le bitume, ça rend nerveux et glandeur. C'est parce qu'on glande sur le même bitume, nos liens font notre grandeur. On a tous grandi ensemble, même si la vie a ses caprices. Dédicace à Mista Flow, isolé par leur justice. Ici c'est notre justice, celle qui leur fait si peur. Ils ont peur de notre monde, nous on lutte pour un monde meilleur. Le grade, il fait ta place sur les gradins. Nous on lutte sur les graviers, c'est pas grave. Les graviers on les jette sur les gavieux. Mais quand j'y pense, c'est ça qu'ils attendent. Il faut qu'on stoppe, mon but est de sortir du terrain pour les laisser en cloque. Ils se disent guerriers, c'est pas du toc, mais nos racines eux, ils s'en moquent. Et notre haine finira petit à petit par moisir dans leur stock. Ça vient d'ici, ça vient de chez nous, ça vient d'en bas. C'est plus ma tête mais mon cœur qui bat. Mes frères au-dessus des lois, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? La vie un film où les jeunes sont acteurs dans le ZEF. J'décris les crimes de ma plume, par la coutume arpente le bitume. Bref, on sent que nos gars ont pris pour posséder notre rancœur. Ils oublient que ça n'a pas de prix, c'est dans nos têtes et dans nos cœurs. C'est dans nos têtes et dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Yeezy l'escroc, Yeezy. Manu K, Manu. Charlito. Hein? Ma jeunesse manque de jeunesse et le temps me manque. Le temps me manque. Ma vie n'a pas répondu à mes attentes. Ouais. J'ai ouvert mon cœur au mal quand nécessaire. Verser des larmes pour tous mes potes qui sont partis. Ma formation coûte que coûte, coûte que tracer ma route. Tracer ma ayant essuyé mépris, déception et banqueroute. La vie est une chienne, on t'en raconte la merde. Y'a trop de questions que je me pose, trop de règles que je m'impose. Paraît que j'ai ma tête et le monde pour m'offrir une place à l'ombre. Mon cœur est le péché pour aller simple vers la tombe. Soit j'oublie la douleur et ferme les yeux sur mes mots. Mon paradis, un spliff dans le bec au sud des plages du ghetto. Fierai mon attitude, comme à mon habitude. Même si trop de certitude accentue mon incertitude. Je n'ai aucune garantie quant au futur. Je ne suis qu'un mec dans ma ville, avec le vice pour signature. S'attendant souvent au pire, en espérant le meilleur. La vie est traître, comme les sourires qui dissimulent rancœur. J'ai bu le vin de la haine, maintenant j'en suis ivre. J'ai lu que la solution ne se trouvait dans aucun livre. Être jeune issu être du béton. Faut se faire une raison, la mer tu nous mines et la rime n'est qu'une illusion. La malchance me fait tort, l'amour avance ma mort. Mon silence et ma musique seule adoucissent mon sort. Yeezy l'escroc, Manu K et Carlito. C'est ici que ça se passe, pour tous ceux qui regardent ailleurs. C'est chaud dans les cités, mais c'est ici qu'il y a la vraie chaleur. Je n'ai aucune garantie quant au futur. Je ne suis qu'un mec dans ma ville avec le vice pour signature. Mon cœur abrite toute la tristesse d'une vie entière. Mais si je me laisse faire, c'est un aller direct au cimetière.